migrations avec Catherine Gauthier, responsable donc de recherche pour le centre Max Weber, qui va animer l'émission de ce soir. Et le GREMOS, donc je rappelle, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Ce groupe de chercheurs s'intéresse particulièrement à la mémoire ouvrière, et donc il va avoir à traiter aujourd'hui de cette question de la mémoire des immigrés. Les seconds jeudis du mois, et bien sans que vous en doutiez, aujourd'hui nous sommes le deuxième jeudi du mois et nous avons le plaisir de nous retrouver ensemble pour cette émission du GREMOS. Alors, faut-il encore dire que le GREMOS est un groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, que nous sommes un groupe, ma foi, de 20 ou de 25, qui avons beaucoup de plaisir à travailler ensemble et qui prépare cette émission chaque mois avec la volonté de populariser, la volonté d'attirer l'attention sur ce qui fait cette originalité de la région stéphanoise, à savoir cette histoire du monde ouvrier, cette histoire des activités multiples qui ont permis de créer une vraie culture autour de notre histoire et de notre passé. Beaucoup d'émissions ont déjà eu lieu, vous les connaissez. Il y a eu des émissions qui ont donné la parole à des écrivains, et la dernière a donné la parole à Jean-Michel Sénère pour son dernier ouvrage, et qui porte sur Métallo, Manuchard et Mineur dans la région stéphanoise pendant la 4e République. Ce livre n'est pas encore tout à fait dans les librairies, mais rassurez-vous, je pense qu'on peut dire que dans une dizaine de jours, vous le trouverez assez facilement dans les librairies. Et puis nous avons eu le plaisir d'accueillir tous ceux, artistes, créateurs qui ont travaillé sur les productions, les entreprises, parfois les mouvements ouvriers, les grèves. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir tout à la fois Catherine Gauthier, qui est spécialiste, sociologue, anthropologue des questions des travailleurs immigrés. Et puis également Mireille Roger, qui est la directrice de la maison du Babet, la maison de quartier de Tarentaise, qui travaille actuellement pour la préparation de tout un dispositif de grande ampleur qui va durer pendant plusieurs mois autour de la collecte, mais aussi de la connaissance beaucoup plus précise de cette culture immigrée stéphanoise. Cette émission, vous le savez, est réécoutable sur le site du GREMOS. Nous vous donnons l'adresse, nous la redonnerons par la suite, www.gremos.l'autre.net. Sur ce site, vous avez un certain nombre d'émissions durant les 3 années qui se sont écoulées, que vous pouvez écouter assez régulièrement et assez facilement. Voilà. Alors, aujourd'hui, le plaisir de se retrouver autour de Catherine Gauthier, que nous avons déjà reçue au GREMOS. En effet, l'année dernière, Catherine Gauthier a publié un ouvrage qui s'appelle « D'ici et de là-bas », un ouvrage qui avait le souhait d'établir des ponts entre là-bas, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée, avec des communautés d'immigrés qui étaient venus travailler comme mineurs dans la région stéphanoise, et dont il reste aujourd'hui beaucoup de descendants, beaucoup de personnes. Et le travail qu'elle avait réalisé était un travail qui était double. Tout à la fois de collecter, tout à la fois de recueillir, mais aussi de permettre à ces populations de se reconnaître dans cette histoire. Et l'ouvrage qui a été publié par la ville de Saint-Étienne dans le cadre du musée Couriot reste quelque chose de fondamental pour nous raconter cette histoire. Mais il y avait eu un accompagnement, Catherine, qui avait été fort réussi, au musée Couriot, d'une soirée où vous aviez invité un certain nombre de personnes, et on avait tout à la fois la possibilité d'écouter les personnes dans leurs témoignages, mais aussi d'écouter de la musique. Oui, alors du coup, je suis pas sûre qu'à la technique ça marche très bien. Je sais pas si on m'entend. Bon, on me fait signe que ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, effectivement dans la soirée on avait tenu à faire venir de la musique parce que ça fait partie des éléments forts des témoignages qui sont ceux qu'on avait recueillis dans le cadre de cette recherche sur la présence de travailleurs immigrés dans les mines à Saint-Étienne. Et je veux juste rappeler rapidement qu'il s'agissait en fait d'un travail sur les Maghrébins qui sont généralement moins connus dans l'histoire de l'immigration et dans l'histoire de l'exploitation minière à Saint-Étienne. Alors nous avons souvent parlé de mémoire dans ces émissions. Bien entendu, la mémoire reste celle des archives pour beaucoup. Mais avec le thème que nous abordons aujourd'hui, nous sommes dans une mémoire tout à fait particulière, parce que ce ne sont pas ces familles immigrées qui vont nous léguer beaucoup de témoignages écrits. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une mémoire qu'ils produisent eux-mêmes, à savoir une mémoire orale qui ne demande qu'à être recueillie, mais qu'il faut susciter. Alors, Catherine, dans quelles conditions, comment travaillez-vous pour sensibiliser ces personnes qui, en définitive, n'en demandent pas tant? Après tout, elles n'ont pas besoin de laisser une trace de ce qu'elles ont vécu en famille, mais c'est vous qui suscitez ce besoin et qui leur permettez de s'exprimer. Oui, alors sur le précédent projet, on avait travaillé avec, en fait, ce qui avait assez bien marché, pour le dire comme ça, un peu simplement, c'était le fait de travailler de faire travailler les générations entre elles, parce que c'est vrai que les personnes ont du mal à témoigner sur leur histoire, surtout quand elle a été un peu difficile, parce qu'il a fallu quitter son pays, sa famille. Parfois avec des histoires douloureuses, et puis on a fait un travail qu'on n'a pas forcément choisi, qui était un travail difficile, pas forcément très bien reconnu dans la société, et donc du coup on voit pas l'intérêt de se raconter. Effectivement, c'est pas très prestigieux, c'est pas très, même quand on a eu des actes de bravoure dans la lutte ouvrière ou dans la lutte de libération pour l'Algérie par exemple, ou c'est un peu à double tranchant aussi, voilà. Et en fait, moi, si j'ai eu envie de travailler là-dessus, c'est aussi parce que j'avais des amis qui étaient originaires de cette issus de cette immigration et qui me parlaient avec beaucoup de tendresse de leur papa, de leur maman, de la façon dont ils avaient vécu les choses. Et puis, mais c'était au fil de conversations, quoi, privées, amicales, bon. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que dans les plus jeunes générations encore, donc les jeunes adultes, on va dire, il y avait une envie de raconter cette histoire et d'aller chercher un peu dans les traces locales s'il y avait des choses. Et le cinéma Le France avait témoigné un peu de ce genre de travaux-là, avec des choses qui avaient été faites avec Timsrit, le village, la petite ville sur laquelle j'ai travaillé en Algérie. Et du coup, l'idée a été de monter des ateliers qui permettait de faire en sorte que les personnes aient davantage envie de se raconter parce qu'elles étaient en confiance avec les personnes, ceux qui allaient les interroger. Donc soit les interroger directement, soit aux manettes, parce qu'il a, j'ai travaillé aussi avec de l'audiovisuel, je m'en expliquerai. Et en même temps, c'était ça, c'était l'idée de former les jeunes, donc non seulement les faire en sorte qu'ils interrogent leurs parents ou surtout leurs grands-parents, mais en même temps leur mettre un peu des outils dans les mains et leur permettre de se former à l'audiovisuel, et puis un peu mon cheval de bataille aussi, leur faire comprendre ce que c'était qu'une démarche de recherche et se questionner à quoi ça sert, comment on le fait, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve quelque chose, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve rien aussi, voilà. Et donc, voilà. Des ateliers qui ont été montés, donc des ateliers vidéo et photo qui ont été montés en Algérie, dans la région de Béjaïa, et qui ont été aussi montés à Saint-Étienne, dans deux quartiers de Saint-Étienne à l'époque. Voilà, c'est les reconnaître dans leur histoire, les reconnaître dans leur dignité, et puis aussi leur dire que ce qui est une évidence pour eux mérite d'être sauvegardé. Et on rentre là dans le domaine de la patrimonialisation. Alors, comment fait-on pour garder des traces de tout ce que vous avez accumulé? Eh bien, une façon de garder des traces, c'est de les rendre publiques, déjà. Alors, bon, moi, évidemment, je conserve mes données, et puis il y a des façons aussi, peut-être que c'est à ça que tu penses, mais c'est l'idée de mettre ce, dans la mesure du possible et dans le cadre de l'accord des personnes, déposer les choses aux archives. Donc on travaille beaucoup avec les archives municipales de Saint-Étienne. Les archives départementales sont aussi un lieu de dépôt, et au Grémos on travaille beaucoup dans ce sens-là. Après, moi jusqu'à maintenant ça a été moyennement possible, et c'est vrai que mon objectif c'était surtout de faire partager en fait cette histoire-là, et d'inciter les personnes à témoigner et à produire de la connaissance, de la mémoire, etc. Donc, du coup, j'ai voulu très vite que mes recherches, qui sont au départ des recherches plutôt universitaires, tombent dans le domaine public, en quelque sorte, en étant publiées. Donc, c'est pour ça qu'il y avait eu l'exposition au Puy Couriot, et puis le livre par la suite. Mais avant même que ces travaux aboutissent, l'idée, c'était d'organiser, avec les personnes qui participaient au projet, des temps forts d'échanges, de débats, de discussions, et de restitution des étapes intermédiaires du travail. Donc il y a eu des soirées qui ont été organisées dans des cafés, des quartiers. Donc on avait organisé deux soirées, une à Tardy et une dans le quartier de Tarentaise, et où on avait projeté le film qui était aussi en préparation, et où il y a eu du débat, de l'échange, et comme tu le disais tout à l'heure, des moments un peu forts parce que les gens se reconnaissaient à l'écran ou reconnaissaient des amis de leur père, etc. Et du coup c'est à chaque fois des moments qui ont été importants pour moi, parce que ça m'a permis de continuer le travail, ça m'a donné des idées, ça m'a donné des contacts, et c'est une façon de faire participer la population à la production du projet. Et c'est un petit peu ce que je pourrais expliquer par la suite autour du projet qu'on va présenter un peu ici ce soir. Et des thématiques qui sont multiples et infinies, thématiques qui portent sur le travail, thématiques qui portent sur la vie de la famille, thématiques qui portent sur les fêtes, mais aussi sur les lieux d'habitat, parce que tous ces espaces-là sont bien des espaces qui méritent à la fois attention et qui méritent une conservation. Oui, alors justement, je crois qu'on va passer un petit morceau de musique pour illustrer un petit peu ce qu'on est en train de dire. Et en fait, j'expliquerai un peu après pourquoi on a décidé à partir de cette année de travailler sur les cafés comme lieu d'accueil et de mémoire de l'immigration. Et pour lancer un petit peu les choses, on va écouter un morceau d'un disque qui est édité par une association lyonnaise qui s'appelle le CMTRA, le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes et Frémo et Associés, et donc qui produit, qui fait justement un travail comme ça de recueil et d'analyse aussi de production à partir de lieux de sociabilité. Donc ils ont travaillé aussi sur les cafés et ils ont essayé de faire de montrer en quoi la place du pont avait été un lieu de production et de production au sens de produire, mais aussi de production au sens de promouvoir économiquement des artistes locaux de musique maghrébine. Donc on va écouter un extrait de ce très beau coffret de 3 CD dont je dirai encore quelques mots après. Vous êtes bien sur Radio Dio, une émission du Grémos consacrée aujourd'hui au Café de l'Immigration avec Catherine Gauthier et ses invités qu'elle va nous présenter tout de suite. Oui, alors j'ai demandé à Mireille de venir ce soir parce qu'en fait on est aussi là pour parler donc du projet à la fois de recherche mais aussi d'action que je conduis avec des artistes locaux sur les cafés comme lieu d'accueil et de mémoire d'immigration. Et donc j'ai demandé à Mireille de venir parce qu'elle est dans un quartier qui historiquement a accueilli beaucoup d'immigration bien sûr et qui était un lieu central pour le commerce et les cafés, les restaurants dans le quartier de Tarentaise. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, il y a un travail qui se fait aussi on essaye de travailler un petit peu en partenariat sur cette question de d'action, de recherche-action dans le quartier. Et voilà, je trouvais que c'était bien qu'on en parle un petit peu, enfin que qu'elle puisse intervenir dans l'émission. Donc tu peux peut-être nous en dire deux, trois mots, Mireille. Oui, oui. Disons que je dirige un centre social, celui du quartier. Il s'appelait avant Maison de quartier du Babet. Alors on aimait bien ce Maison de quartier du Babet, mais on ajoutait centre social et ça faisait trop long. Donc aujourd'hui, on s'appelle le Babet. On a fait plus simple. Et c'est vrai que c'est un quartier mythique au cœur de Saint-Étienne, et notamment, c'est un quartier immigré. Donc, votre objectif est un objectif d'accueil des populations déshéritées, souvent. Disons que dans les centres sociaux, notamment en centre-ville, c'est souvent le cas, oui. On accueille des enfants à partir de 3 ans, et puis jusqu'à des personnes âgées, voire même très âgées. Évidemment, on rend des services, tout simplement, et puis aussi, quelquefois, on se préoccupe d'eux, au-delà de simplement faire rire leurs enfants à Noël. On a aussi ce qu'on appelle l'animation de la vie locale ou le développement social local. Ça a plein de noms, ce truc-là, et on a, en tant que centre social, un devoir de nous intéresser à notre quartier, à sa population. Quand on dit quartier, c'est surtout à sa population. Et il se trouve que c'est la population la plus pauvre de Saint-Étienne, Tarentaise-Beaubrin. On a même un triste record, rue Beaubrin, je crois que c'est la plus pauvre du département. Donc, cette pauvreté, elle est liée aussi à l'immigration, en quelque sorte, parce que les immigrés ont travaillé, comme on l'a dit, dans la mine, voire ont été demandeurs d'emploi très souvent, pour les générations un petit peu après. Hein. Je ne sais pas, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Ils ont été les premiers à subir la crise, donc voilà. Évidemment, les premiers à émerger au chômage. Oui, et donc ils ont souffert très très tôt des crises diverses et variées. Et il est vrai que dans ce quartier, plus précisément à Tarentaise-Beaubrin, puisque c'est moi qui suis là aujourd'hui pour en témoigner, on a beaucoup d'immigrés âgés, hommes. C'est pas partout pareil. À Montréal, c'est pas la même chose. Voilà. Nous, la population qui est là, dans la population qui est là, ils sont souvent des hommes seuls avec toute la famille au bled. Alors, des immigrés, des hommes, c'est pas facile à rencontrer. Comment vous y prenez-vous? Quelle stratégie avez-vous? Alors, c'est comme ça qu'on a rencontré Catherine. Je ne sais plus comment on t'a rencontré, Catherine Gauthier, mais disons que nous, si on s'intéresse aux immigrés hommes âgés, si on attend qu'ils viennent chez nous au centre social du Babet, c'est mort, ils vont pas arriver. Donc, sauf dans certains cas. On est allé les rencontrer dans les cafés alentours. Alors, comme on est un peu feignant, on est allé, on a fait 50 mètres, on est allé au café de la place voir Hamid Abdelawi qui, lui, il tient ce café. Et on est allé le voir. Et puis, petit à petit, on a fait des choses avec eux. Et notre propos à nous, c'est de travailler avec eux, mais de les inclure aussi, dans notre vie à nous. L'idée, c'était pas de focaliser sur cette population, c'est plus de leur proposer des choses. Et bien sûr, notre cœur de métier, c'est le loisir et c'est la culture. C'est pas vraiment, on fait pas du soin, on s'occupe pas des personnes âgées à proprement parler, au point de vue social, mais on est intermédiaire en quelque sorte. On est médiateur entre les institutions qui sont autour de nous. Je parle de la CAF, de la Sécu, de la retraite, etc. Et puis toute cette population qui ne s'y pointe pas, n'y va pas. Donc on est un petit peu interface entre les institutions qui les concernent et puis eux. Alors voilà. Le café, espace de sociabilité, mais il s'y passe quoi dans un café alors? Alors c'est vrai qu'avec des hommes, pour rentrer dedans, si on est française, c'est pas pareil. Une femme française, c'est moins difficile. Pour une femme d'origine maghrébine, c'est beaucoup plus compliqué. Elles y vont très peu et à plusieurs. Parce que ce n'est pas normal, finalement. Je résume, hein, mais traditionnellement, elles n'y sont pas. Elles n'ont pas envie d'y aller et on peut le comprendre. Oui, c'est pas leur lieu. C'est pas leur lieu, voilà. Elles ont d'autres endroits pour se réunir, ou pas d'ailleurs. C'est pas toujours le cas. Donc, moi, en tant que, enfin, ça m'a pas posé de problème particulier, donc je suis allée les voir et puis j'ai bu un coup et puis voilà, et on se fait discret. On n'est pas là pour embêter le monde, donc voilà. Et puis petit à petit, on a créé des liens, on a fait des barbecues ensemble au parc Courriot. On était une centaine quand même. Je veux dire, ils viennent très volontiers si on les invite à faire des choses festives, parce que entre eux, c'est bon, ils se connaissent, ils se voient tous les jours, et c'est peut-être ce qui fait défaut, c'est une sociabilité plus large, quoi. Enfin, comment dire, oui, plus large. Donc, quand on leur propose des trucs, ils viennent. Et alors, Catherine, là, vous vous retrouvez pleinement là dans cette dans cette situation-là. Vous la vivez par ailleurs dans d'autres lieux ? Eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, oui, le lien s'est fait entre nous parce que moi, j'étais à la recherche de cafés du quartier qui pouvaient un petit peu accueillir les manifestations dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle je pouvais un peu rentrer en contact avec des gens qui étaient venus de l'extérieur pour habiter ces quartiers et qui vivaient aujourd'hui au quotidien et qui pouvaient me raconter un peu leur vie d'ouvrier, hein, de mineur. Et puis du coup, c'est comme ça qu'en discutant avec Mireille Rogers, on a parlé des cafés du quartier de Tarentaise et qu'on en a identifié quelques-uns et qu'elle m'a parlé du café de la place qu'on a rencontré un peu rapidement jusqu'à maintenant, mais les choses sont en train de se faire. Et du coup, il y a eu d'autres cafés aussi qu'on a rencontrés. Et puis cet été, avec Sandrine Binou qui est photographe, on a commencé à traverser ces rues et à aller à la rencontre des traces des cafés qui ont existé et de témoins. Donc c'est un travail de longue haleine. En plus on a voulu ouvrir un peu le champ. On ne travaille pas seulement sur les immigrés d'origine algérienne, kabyle, maghrébine, mais on voudrait aussi avoir des témoignages de la part de gens qui viennent du Portugal, d'Espagne, d'Italie, ou même des migrations plus récentes venant de Turquie, du Congo, etc. Et tout ça parce qu'effectivement, c'était des lieux où lorsque les gens arrivaient de l'étranger, ils avaient souvent un point de chute qui était le café. Donc c'était parce qu'ils n'avaient pas de pignon sur rue et qu'ils offraient un peu à ceux qui arrivaient une possibilité de se loger, un point de ralliement, C'était un lieu de rendez-vous, mais qui en plus pouvait proposer des services. Et ces services, c'était souvent la cantine, parce que les cafés souvent faisaient un peu à manger à midi, voire le soir. Et puis, ils louaient une chambre ou deux au-dessus, ou en tout cas, s'ils ne proposaient pas eux-mêmes ces choses-là, ils savaient à qui s'adresser pour les avoir. Et puis, bien sûr, c'était un endroit dans lequel on pouvait parler des ressources en termes d'emploi, en termes de papier. L'office de tourisme et Pôle emploi en même temps. Voilà. Et c'est vrai que c'était vraiment un vrai lieu d'information et en même temps, c'était un lieu d'échange avec le pays parce qu'il y avait des gens qui venaient là avant de retourner au pays, à qui on pouvait laisser un colis ou qui revenaient du pays avec une lettre. Enfin, c'était aussi un endroit, c'était vraiment une interface entre là où on vivait et là où la famille était restée. Et du coup, c'était un lieu où il y avait des écrivains publics qui aidaient aussi à faire des papiers, qui aidaient à rédiger ses courriers pour la famille. Donc c'était vraiment un lieu de brassage, quoi, d'activité et de gens. Et souvent, contrairement à l'image qu'on a aujourd'hui, c'était des lieux de métissage. Et il y avait beaucoup de nationalités qui étaient présentes au même endroit. Il y avait des cafés qui étaient plus spécialisés, plus communautaires, et puis il y en avait qui étaient plus mélangés. Et dans les tenanciers de cafés, il y avait aussi des gens qui venaient de différents univers sociaux et de différentes nationalités. Donc on est en train de faire ce travail où on essaye de récolter des archives en termes d'images, de documents, oui. Et puis des témoignages oraux. Et on fait des photos aussi aujourd'hui en vue de réaliser un film. Et tout ça, ça fait partie d'un... Et oui, tout à l'heure, vous avez dit le nom de Trace, et je crois qu'à lui tout seul, ce mot exprime tout ce qu'on vient de dire ensemble. Voilà. Et donc, on veut réunir ces traces-là pour essayer de construire un propos qui soit un peu accessible à tout le monde avec un film. On veut réaliser donc un film pour ça. Et pour nous y aider, pour nous aider dans notre réflexion, pour essayer d'échanger aussi des pratiques intéressantes avec d'autres personnes qui ont pu s'interroger sur une question proche de celle des cafés comme lieu d'accueil, mais qui peuvent être aussi, qui ont pu s'interroger sur d'autres lieux similaires. Et avec le même genre d'outils, c'est-à-dire l'image, le témoignage oral, etc., on a décidé d'organiser, dans le cadre de la Biennale Trace, dont je dirai quelques mots, parce que si je parle de tout en même temps, on ne va pas se comprendre, donc une journée qui est un peu une journée d'atelier, avec d'autres porteurs de projets ou des témoins. Donc c'est une journée qui a lieu le 21 novembre à Saint-Étienne, qu'on organise en partenariat avec la mairie de Saint-Étienne, qui nous ouvre ses locaux, puisque ça passera dans la salle Aristide Briand à partir de 8h30 le matin. Et donc on a deux temps forts, un temps le matin où on va échanger autour de tables rondes, et un temps l'après-midi autour d'une marche urbaine qui va nous permettre de découvrir le quartier tarentaise. Et puis ce sera clos par une soirée festive à la friterie à Saint-Étienne, où autour d'un couscous et de la projection d'un film, on pourra encore échanger de façon un peu plus légère et conviviale. Vous êtes sur l'émission du Grémos consacrée à la mémoire des travailleurs immigrés et notamment à l'aspect qu'elle a pu prendre à travers les cafés des quartiers de Saint-Étienne avec Catherine Gauthier et Mireille et ensuite Maurice aussi qui est là pour les interroger. Oui, Catherine et Mireille nous ont mis l'eau à la bouche tout à l'heure parce que ça y est, nous nous y voyons dans cette journée. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que vous allez être capable de conjuguer tout à la fois des lieux, un quartier, des cafés, des rues, et connoter très fortement autour d'un puits de mine, autour du puits Couriot, avec une population qui est restée encore une population très mêlée, dans laquelle, quand on vit, quand on passe, on se rend compte que ce n'est pas un quartier ordinaire. Vous êtes là dans un quartier qui a de très fortes caractéristiques dans la ville de Saint-Étienne. Et alors, autour de ce lieu, la magie du travail que vous avez réalisé, parce que c'est un travail, vous nous l'avez expliqué, qui dure depuis des mois, la magie de votre travail, ça va être de nous rendre capables de nous associer à ces rencontres, à ces hommes, à ces femmes, et à nous faire comprendre que tout ça est porteur d'une richesse. Et des gens dont on va reconnaître les qualités. Alors, voilà, on a déjà dit beaucoup de choses, mais il faut qu'on vous écoute parce que je crois que vous allez nous passionner. Alors, donc oui, la journée, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment elle se déroule. Je vous disais qu'elle était sur les deux demi-journées de façon un peu différente. Vendredi 21 novembre. C'est le vendredi 21 novembre, de 8h30 à peu près le matin, oui, puisqu'on aura un accueil. L'accueil se fera à partir de 8h30 à la salle Aristide Briand à l'hôtel de ville. Et puis, jusqu'au soir, puisque ça se finit par une soirée. Et qui est invité? Alors, tout le monde peut venir. La seule chose, c'est qu'il faut s'inscrire. Et donc, pour s'inscrire, il faut le faire auprès du secrétaire du centre Max Weber, qui est organisateur de cette journée. Je vais vous dire, il faut s'inscrire par mail. Il va y avoir des petites choses qui vont circuler, des petits papiers qui vont circuler dans les quelques cafés du quartier de Tarentaise. Donc, si vous les voyez, vous pouvez vous approvisionner. Et puis, sinon, le secrétaire vous enverra la documentation que vous pouvez trouver aussi sur le site internet du Centre Max Weber. Vous tapez Centre Max Weber Saint-Étienne et vous aurez accès au site très très rapidement. Et donc sinon, vous écrivez à Benjamin Garnier, donc benjamin.garnier@univ-st-etienne.fr. Mais vous allez être débordé par le succès, oui. Là, comment allez-vous faire? Oui, non, c'est pour ça que je dois quand même vous expliquer que on pourra pas non plus accueillir tout le monde, notamment pour l'après-midi, puisque l'après-midi on est limité à un nombre de personnes, puisqu'on va faire une marche urbaine qu'elle est guidée, et qu'une marche urbaine à 50 personnes, c'est pas possible parce qu'on n'entend pas ce qui est dit, ça n'a aucun intérêt. Donc les inscriptions vont être limitées à 25 personnes à peu près, donc on pourra pas être très aussi nombreux que ça, mais en tout cas pour le matin tout le monde peut venir. La plénière de l'après-midi qui sera organisée à partir, où on fera un petit peu un point sur toute la journée, qui sera organisée à partir de 17h toujours dans la salle Aristide Briand, donc on pourra se retrouver à ce moment-là pour finir de débattre si on n'a pas eu le temps de tout dire le matin. Et puis à cette soirée qui va se dérouler à la friterie à partir de 19h et qui du coup là aussi sera très, très sympa et ouverte. Juste vous dire des petites choses quand même sur le contenu. Donc le matin, les tables rondes vont porter sur la question qu'on va soulever, c'est celle de savoir comment connaître et restituer la mémoire des cafés de quartier, donc à travers deux tables rondes. Une première qui va porter sur la façon dont on documente la mémoire, et une autre table ronde, donc par l'image et l'archive. Hein, c'est ça qu'on entend par documenter. Donc l'image, c'est à la fois la photo et le film, et puis l'archive au sens plus large du terme. Donc là, on va avoir des participants qui nous viendront de différentes, de la région Rhône-Alpes, hein, puisqu'on a une réalisatrice lyonnaise, un réalisateur lyonnais qui travaille soit sur Lyon, soit sur la ville de Vienne, par exemple, ou encore Grenoble. Il y aura Céline Soutif qui vient des archives municipales de Saint-Étienne, qui nous parlera du travail qu'ils font. Et puis Abderrahmane Moumen qui est à l'association Générique à Paris et qui a travaillé sur cette question. Voilà, donc une manière de nous parler de Saint-Étienne, mais de nous ouvrir à quelque chose qui a beaucoup touché la région Rhône-Alpes, cet accueil de cette population immigrée qui est venue travailler tout au long du XXe siècle. Voilà. Et en plus, on se rend compte, quand on recule encore un peu et qu'on regarde les choses au niveau national, que c'est une question qui, quand même, commence à susciter des intérêts auprès d'institutions plus importantes. Donc, je parlais de l'association Générique, qui est une association qui travaille pour la récolte d'archives de l'immigration depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, je crois. Et puis, il y a aussi, et sera présent aussi, le Centre national de l'histoire de l'immigration. Donc, c'est le musée de la Porte Dorée à Paris, qui nous présentera un peu pareil, la façon dont ils attrapent cette question dans leur musée et dans leur réseau. Et puis qui nous fera aussi la synthèse de la journée donc en plein. Voilà, donc on débute, Salle Aristide Briand, par un grand brassage d'idées autour de personnes qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, des échanges, oui. Et ensuite. Alors il y aura aussi le matin des échanges avec des témoins dans un deuxième temps. Donc des témoins qu'on connaît un petit peu, que la société civile stéphanoise connaît bien, comme par exemple Alaou Abaka, qui a été le directeur du centre social de l'Arlequin, et puis Stéphane à Terre Noire, oui. Voilà, et puis donc qui est un de mes complices parce qu'il a témoigné aussi dans le livre pour l'exposition et qu'il connaît beaucoup de choses et qu'il a lui-même en plus été musicien et a joué dans les bars, notamment à Saint-Chamond, et donc c'est un univers qu'il connaît bien. Il y aura Mohamed Mamri, qui est président de l'association Éclat, une association berbère stéphanoise. Stefano Moscato, qui a lui-même écrit en tant que témoin un ouvrage dans lequel il a publié aussi des photos de famille, qui nous parlera de sa vie, de comment il a été amené à témoigner, ce que ça lui a apporté, etc. Et puis Rachid Oukrid, qui a été... permanent dans une association qui s'appelle Échange et Promotion, qui n'existe plus, mais qui a beaucoup œuvré auprès des migrants à Saint-Étienne, notamment autour de la question de l'alphabétisation et de l'accès aux droits en général. Donc une deuxième partie de la matinée où on donne la parole aux acteurs eux-mêmes, qui ont un regard un petit peu critique, un petit peu tout à fait. Sur leur famille, sur leur histoire et sur l'histoire de la ville industrielle de Saint-Étienne. Voilà. Et notre idée en les invitant, c'était de leur permettre aussi de nous dire ce qu'ils pensent, eux, du témoignage. C'est-à-dire ce que ça leur fait de témoigner et comment ils voient les choses autour du témoignage et qu'ils nous fassent des suggestions à nous qui faisons des projets avec les témoignages. Donc, qu'il n'y ait pas seulement un regard d'expert, mais aussi un regard de témoin, quoi, enfin de partie prenante autour de ces questions, de façon à ce qu'on ne soit pas seul à réfléchir dans notre coin pour produire des discours sur les personnes, mais que les personnes soient elles-mêmes en mesure de nous dire ce qu'elles en pensent. On ne parle pas sur l'immigration, mais on donne la parole aux immigrés. Voilà, c'est bravo. Ça. Bravo. Et donc, alors, avant de parler de l'après-midi, je vais passer la main à Mireille qui va nous expliquer un petit peu comment on a pensé le temps du déjeuner. Parce que donc, il y a un comité de pilotage, évidemment, pour organiser cette journée, dont a fait partie Mireille comme participante à ce projet. Voilà. Le Babet accueille... en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le centre social dans ce quartier est présent sur 5 sites. Il y a des lieux différents. Alors, c'est vétuste, c'est bon an, mal an, mais enfin, on a énormément de mètres carrés, dont une salle qui sert plutôt, d'ailleurs, ça s'appelle le Club Babet, et ça sert plutôt à des personnes âgées françaises, et qui d'ailleurs ne réside pas forcément sur le quartier ou n'y réside plus. Et cette salle est polyvalente en quelque sorte. Ça fait une espèce de foyer, un club de personnes âgées, dans lequel y a un petit bar, il y a une jauge à 115 personnes. C'est quand même une salle relativement importante qui ne se voit pas et qui n'a pas vraiment pignon sur rue. On ne la voit pas de l'extérieur. Et nous, on l'aime bien et on y fait des raouts, on y fait des goûters, on y fait des fêtes dès qu'on peut. Alors donc vous êtes en train de nous dire que pour avoir le plaisir d'être ensemble, il faut qu'on mange. Et ben voilà, il faut qu'on mange. Ça y est, on a compris. Voilà, et donc on a un collectif. Alors ça existe dans beaucoup de centres sociaux, il y a des collectifs de femmes qui font des repas. Et dans ce collectif, il est un tout petit peu particulier parce que c'est un collectif qui fonctionne de manière très démocratique avec des règles très précises. Enfin, c'est quand même relativement complexe. Elles se payent des Des loisirs, des voyages. Elles sont allées en Tunisie cette année, en pension complète, etc. Et c'est vrai qu'elles se donnent beaucoup de mal. Ce sont des femmes qui ont peu de moyens financiers, finalement, pour emmener toute sa famille à l'étranger. C'est quand même très, très cher. Et donc, elles font des buffets. Alors, ça peut être pour des femmes chefs d'entreprise, pour tout un tas de gens. Et là, elles vont nous préparer une collation, hein, un buffet, bien sûr, parce qu'on se détend et puis qu'on va parler. Donc, entre le matin, ça, l'Aristide Briand, ce sera quand même relativement, très concret, enfin, des contenus intéressants, etc. Et puis, l'après-midi, il y a cette marche urbaine dans le quartier, hein, de Tarentaise-Beaubrun. On est toujours le 28, là. On a l'impression que ça dure 15 jours, mais c'est vraiment une journée. 21, c'est le 21. Ah, c'est le 21, je suis désolée. Le 21, le vendredi 21 novembre, donc très bientôt. Et effectivement, il y aura un petit buffet à midi chez nous. Voilà, on sera bien contents d'accueillir tout le monde. Enfin, pas tout le monde, hein, ceux qui sont inscrits, bien sûr. Oui. Et puis, ça sera l'occasion de voir aussi des travaux de l'école d'architecture de Saint-Étienne, dans laquelle j'enseigne. Ouais. Et voilà. On a une galerie. Il se trouve qu'on est pôle de compétences arts plastiques. Donc, on a de quoi mettre en valeur un petit peu le boulot des étudiants. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Mm. En fait, l'année dernière, ils ont été invités à produire des plans pour la réalisation d'un complexe. Alors, c'est complètement fictif, évidemment, mais c'est un de leurs enseignants, Jean-Michel Dutreuil, qui leur a proposé ça, de réfléchir à quelque chose qui s'appellerait une cité régionale de l'immigration, dans laquelle on pourrait proposer un ensemble de choses. De ressources. De ressources, voilà, de lieux ressources. Et donc, ils ont produit et ce sera présenté dans le Babet, et donc on pourra le voir au moment du déjeuner. Et puis, il faut qu'on aille un peu vite parce que je crois que la fin de l'émission... Alors, cet après-midi, vous nous la proposez ? Alors, l'après-midi, donc, on aura rendez-vous pour la marche à l'annexe de la mairie à Tarentaise. Et puis, la marche se fera au départ de l'annexe. Et donc, on sera emmené par... Sandrine Sancœur de Ville d'Arrêt d'Histoire. Non, c'est pas Sandrine, c'est une visite. Une de ses collègues. Une des guides. Enfin, Sandrine sera là, mais c'est une des guides de Ville d'Arrêt d'Histoire qui nous présentera la marche. Et puis, Céline Soutif participera aussi. Moi, j'apporterai des petites choses. Oui, des archives municipales. Moi, j'apporterai des petits éléments aussi par rapport au projet. Ces rues, ce quartier, on le connaît. Mais alors. Pourquoi vous nous y faites passer ? Il y a quelque chose que vous allez nous montrer d'intéressant ? On va essayer de parcourir les rues qui sont... En quoi ce quartier est intéressant ? Parce que c'est un quartier historique d'accueil à Saint-Étienne. Ouais. Parce que depuis toujours, il y avait la rue du Puy, par exemple, à Tarentaise. Et c'était parce que ça nous reliait au Puy et que c'est aussi un lieu, une porte d'entrée sur toute la région Haute-Loire qui nous a amené beaucoup de bras pour l'industrie, l'artisanat stéphanois. Et la mine aussi. Et la mine. Et donc, et puis il y avait tout ça, comme ça, certaines rues qui étaient des rues vraiment très très importantes dans Saint-Étienne, des rues portes d'entrée dans la ville. Donc on va voir ces rues-là, et puis ça va nous permettre d'aborder, un peu comme dans l'ouvrage dont on parlait au début de l'émission, différents chapitres de la vie de l'immigration et de l'installation à Saint-Étienne. Et puis ça sera aussi l'occasion de présenter des lieux. Donc on parlait du Babet, peut-être on fera un arrêt à l'Amicale Laïque aussi du quartier, et puis on aura un petit arrêt pour se désaltérer au Café des Acacias avec lequel on travaille sur ce projet et qui nous fera le plaisir Avenue Émile Loubet. Un petit thé à la menthe pour nous réchauffer. Voilà. Le 21 novembre, il fait pas chaud. Hein. On peut boire un canon aussi. Oui. Pour nous réchauffer, c'est donc bien. Voilà, aussi. Sandra nous accueille dans son café, ouais. Et elle nous fait ce grand plaisir. Et puis on aura aussi l'association Carton Plein qui depuis quelque temps anime les espaces publics stéphanois et qui nous propose parfois parmi ces animations. Donc ils sont présents à la cartonnerie dans le quartier Carnot, et puis aussi dans le quartier de Tarentaise depuis quelque temps, puisqu'ils animent les rues autour de la question des commerces un peu en déshérence dans le quartier, et qu'ils vont faire revivre par une petite animation un peu ludique. Voilà. Et puis, donc, je poursuis peut-être. Donc, après la plénière dont j'ai déjà parlé, il y aura donc la soirée à la friterie qui va... au cours de laquelle on va visionner un film. J'ai oublié de vous dire que le matin, on aura un petit intermède, enfin un petit, avec entre les deux tables rondes, la projection d'un très beau film de Farida Hamak qui s'appelle Ma mère. Et c'est un film qu'elle a fait justement sur un portrait de sa mère qui vient également d'Algérie. Moi, vous voyez, en vous écoutant, là, ça me passionne. Et je me dis que vous allez solliciter tous nos sens. On va vous écouter, on va manger, on va boire, on va déambuler, on va s'émerveiller. Mais quelle belle journée! Là vraiment, vous tapez très bien. Je crois que c'est un large public que vous voulez toucher. C'est pas un public d'intellectuels. Non, tout à fait. Non. Et puis c'est pour vraiment montrer. Eh ben bravo. À tout le monde on a besoin de journées comme ça. Merci. Merci. Alors le soir, on aura donc la projection aussi d'un film qui a été produit par le CMTRA, donc dont je parlais tout à l'heure à propos de musique, et qui a fait un film qui s'appelle Zaman el Moukari, Le temps des cafés. Donc c'est un film qui parle des cafés lyonnais et qui nous sera un peu présenté. Et on entendra aussi Péroline Berbet qui justement a travaillé sur le projet qui s'appelle Place du Pont Production et avec lequel on a pu entendre des musiques qu'on a entendues là sur l'émission, sur le CD dont je parlais. Alors voilà, on est à fond dans cette journée du 21, mais moi, le temps me dure d'y être. Mais alors, j'ai l'impression que Saint-Étienne, c'est un lieu parmi d'autres. Parce que dans l'ensemble de la région Rhône-Alpes, il se passe des choses. Oui. Mais comment on va faire pour, alors en fait, pour se tenir au courant de tout ça? Mais comment va-t-on faire? Alors, il y a effectivement, tu me fais du pied pour que je parle de la Biennale Trace qui se déroule en ce moment dans la région Rhône-Alpes. Avec l'appui de la région, justement, l'appui de la DRAC. Et donc, c'est une journée qui est émaillée d'une série d'événements qui vont vraiment dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. Alors, dans tous les sens, exactement comme tu le disais, c'est-à-dire qu'on va assister à des spectacles, des pièces de théâtre, des conférences. Il y a un ouvrage qui sort aussi sur la question de la mémoire de l'accueil de l'immigration, dans lequel il y a un petit article sur les cafés, d'ailleurs. Et on décline tous les types d'immigration, parce que je voyais sur Lyon, c'est l'immigration italienne qui est proposée, une grande exposition qui est proposée à la bibliothèque municipale. Il y a des choses aussi à Valence sur les Arméniens, on a des choses sur les Cambodgiens dans l'Isère. C'est un programme très, très dense. Donc, je vous invite à taper... Trace sur vos moteurs de recherche, Trace au pluriel, où vous aurez très vite des vous tapez Trace Biennale 2014 et vous aurez très vite toutes les informations et voilà, et vous verrez le grand nombre d'événements avec des temps forts, par exemple vendredi 14 et samedi 15 novembre. Il y a les journées d'études, de réflexion, d'échange à la Maison de l'International à Grenoble. Le 17 et 18, au Musée de Grenoble, il y a un colloque sur l'accueil et la relation à l'autre. Et le 25 novembre, au CCO à Villeurbanne, la journée du réseau Trace. Donc voilà. Et Catherine, mon agenda, il est plein. Bon, mais en matière d'agenda, je me tourne vers Jean-Michel Stenner, qui est de l'autre côté. Oui, alors en vous écoutant, qui est de l'autre côté je de la pensais vitre, là, à mais ce qui nous, quartier qui nous écoute, de Tarentaise. Hein. Alors l'agenda est plein. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation pour le Grémos. Oui, je disais en vous écoutant que je pensais à ce quartier de Tarentaise qui a été photographié longuement par Léon Le Ponce. Et on a des photos des années 50 qui sont aussi sans doute les premiers témoignages de cette présence des immigrés dans Saint-Étienne. Alors le 21 novembre, donc on l'a compris, c'est une journée très importante. Je voudrais signaler, puisque la fin de l'émission s'approche, le 28 novembre, donc la journée du Grémos à l'université consacrée aux associations et à l'histoire ouvrière, avec un programme très riche et on espère une participation, c'est ouvert aussi au public, une participation importante. Le 27, la veille, à l'après-midi à la Cinémathèque, donc j'animerai la présentation d'un certain nombre de films sur les luttes sociales à Saint-Étienne entre 1935 et 1979. Donc c'est des films qui sont quelquefois très courts, quelques minutes. Mais il y a notamment les grèves de 47 et les conflits des nouvelles galeries en 69 et ensuite de Boutéon en 73. Et puis, le 4 décembre, un débat aura lieu à la Bourse du Travail entre Xavier Vignat et moi-même sur la question des ouvriers autour de nos ouvrages respectifs. Un débat qui est organisé et présenté par la librairie L'une et l'autre. Voilà, ben merci à vous pour cette émission. La prochaine émission du Grémos en décembre sera consacrée à l'éducation populaire avec la participation de Karima Guézou et de François Maguin. En attendant, portez-vous bien et merci pour votre écoute. Merci. Je voudrais juste ajouter que toutes les informations que j'ai données et celles que tu viens de donner seront sur le site de Radio Audio, évidemment, qui dispose des programmes, et que Radio Audio est partenaire de la journée que nous organisons le 21 novembre et de la journée que le Grémos organise le 28. Merci. Merci Catherine. Merci à tous. Merci aussi.